bonne pierre et qu'on nous montre tous les mouvements, on arrivera tous à faire un truc qui ressemblera vaguement. Par contre, sélectionner le bon matériau qui permettra à la fin d'avoir quelque chose de très précis et de très beau, ça demande beaucoup de compétences que je ne suis franchement pas sûr d'avoir. En fait, ce que je voulais dire, c'était que aujourd'hui, on a accès à énormément d'informations et de connaissances. On a su accumuler ça. Et finalement, très souvent dans mes conférences, dans les activités de médiation, on me demande de définir ce qui nous caractérise, nous. D'un point de vue biologique, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a des caractères anatomiques, le fait d'avoir un menton osseux, des bosses frontales pariétales, mais qui ne nous donnent aucun supplément, aucune capacité supérieure aux autres espèces humaines. Par contre, en termes de connaissances, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'informations, on n'a jamais autant enregistré la connaissance, on n'a jamais aussi mal distribué, d'ailleurs, aussi, dans un monde où il y a même des régressions. Il y a des pays où l'accès à la culture ou à la science régresse. C'est peut-être une des premières fois que ça arrive. Et c'est pour ça que moi, je reste vraiment dans l'idée qu'un humain d'il y a 40 000 ans, biologiquement, avait les mêmes capacités intellectuelles que moi. Il était même plus costaud sûrement pour tout le reste. Mais sa tête, il savait la faire fonctionner aussi bien que moi. Et mais à vous entendre, on pourrait imaginer qu'il y ait des formes de régression même. Régression en termes de comportement. De capacité en fait, pas nécessairement, parce qu'on a aussi. On fait tellement de choses, on apprend tellement de choses dans notre vie aujourd'hui qu'on sait maîtriser une diversité de choses très importante, finalement. Mais ce que je voulais finir par dire, c'était que finalement, notre supériorité, elle est collective. Nos connaissances, elles sont multiples et qu'il faut rester humble et aujourd'hui se dire qu'on n'est pas mieux que les humains d'avant, que c'est à nous de réfléchir sur ce que nous faisons et comment léguer un monde et des connaissances qui soient les plus propres et les plus utiles possibles aux humains d'après. Mais Antoine Balzois, est-ce que ça ne vient pas du fait qu'à partir du moment où on distingue deux choses à différents degrés, tel cerveau d'une certaine espèce n'est pas le même que tel autre cerveau d'une autre espèce, dès lors qu'on les distingue, on ne peut pas s'empêcher de les hiérarchiser en disant qu'il y en a un qui est plus performant que l'autre. C'est certain, mais c'est justement un des aspects mystérieux ou en tout cas intrigants des recherches préhistoriques récentes. C'est qu'on voit qu'il y a peu de temps, il y a 50 000 ans, il y avait plusieurs espèces humaines qui se côtoyaient sur Terre. Peut-être Homo erectus, peut-être les humains des îles, l'homme de Flores, celui de Luzon, et sans aucun doute, les Denisoviens, Homo sapiens et les Néandertaliens, qui se répartissaient au moins l'Eurasie, sans qu'on sache exactement où ils étaient, par manque de sites archéologiques. Néanmoins, ils se croisaient, et de temps en temps, des gènes étaient transmis entre ces groupes humains, parce qu'on en a des traces dans l'humanité d'aujourd'hui. Ça veut dire que à une échelle qui est inimaginable pour nous. On a déjà du mal à se partager la Terre aujourd'hui. Alors, on est beaucoup, beaucoup plus nombreux. Ça explique en partie les difficultés qu'on a. Mais se dire qu'il y a 50 à 100 000 ans, des espèces humaines biologiques complètement différentes, qui en effet devaient avoir dans leur manière d'être, de vivre, leur comportement des différences majeures liées à toutes ces différences, mais en même temps des ressemblances qu'on n'arrive pas à imaginer parce qu'on ne peut plus les voir, c'est vertigineux. Quel est, Antoine Balzois, le fossile dont vous rêvez, enfin que vous aimeriez qu'on vous apporte ou que vous voudriez trouver vous-même, alors, qui répondrait à des questions qui pour vous sont fondamentales? Le rêve, ce serait le point de départ de cet échange que nous avons eu. Ce serait le spécimen congelé néandertalien où on pourrait trouver des milliards d'informations. Trop facile. Voilà, ce serait fou. Ce serait fou. Donc ça, ce serait le rêve. C'était la question. Dans le domaine réaliste. Dans le réaliste, en fait, j'y ai déjà accès. J'ai la chance là d'avoir mis en place des relations avec des chercheurs un peu partout et de manière assez solide, ce qui fait que je vais avoir l'opportunité là de travailler sur les fossiles humains les plus importants pour notre compréhension de l'évolution humaine. Des fossiles attribués à Homo naledi, ces humains miniatures d'Afrique du Sud, alors que là, on n'est pas sur une île et ils sont à une période récente. Et puis, des crânes en Asie, par exemple, le crâne d'Harbin ou de Dali, qui sont des fossiles soit trouvés il y a très longtemps, soit Harbin a été trouvé il y a très peu de temps, qui sont des crânes très bien conservés, avec une anatomie vraiment particulière qui les distingue de sapiens, de Néandertal et d'Erectus, ce qui fait que personne ne sait comment les classer. Et là, une part du mystère vient du fait aussi qu'on n'a jamais pu les étudier vraiment dans le détail. Et là, dans les mois et années qui viennent, je vais avoir la chance de travailler avec d'autres sur la caractérisation. C'est-à-dire qu'on va vous prêter ces fossiles et vous allez pouvoir les mettre dans les instruments dont on a parlé. Exactement. Tomographie et autres. C'est en cours et bientôt, on arrivera à en savoir plus sur ces spécimens-là. En fait, c'est un objectif dans mes approches. Les fossiles humains, on n'en a pas beaucoup. Si on reste chacun de son côté à étudier trois fossiles... Vous êtes combien à sur Terre à vous occuper du cerveau des anciens? Des anciens, on doit être... je vous l'ai dit, sur le premier article, on était 14 à avoir participé. On doit être une vingtaine à travailler sur ces thématiques-là, mais sur des sujets un peu différents. C'est déjà énorme, parce qu'on n'en a pas beaucoup, des moulages endocraniens de spécimens fossiles. Et puis, c'est un domaine, c'est pas le domaine le plus vendeur de la recherche mondiale, de toute façon. D'étudier les humains préhistoriques. On voit bien que ça passionne les gens, ces sujets. Oui, alors là, c'est un autre débat, à savoir à quoi sert la science. Est-ce que la science est apporter et des connaissances, ou est-ce que c'est surtout apporter des solutions à des problèmes, ou est-ce que c'est apporter des débouchés économiques? Voilà, ça, un vaste sujet. Pour la connaissance, on n'est pas beaucoup à travailler dessus, il n'y a pas énormément de fossiles, c'est complexe. Mais sans aucun doute, plus on travaille ensemble et plus on inclut de fossiles dans nos travaux, plus on est précis. Mais est-ce que le rythme auquel on trouve des nouveaux fossiles augmente? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a eu de tout temps des découvertes. C'est aussi un des aspects très positifs, c'est que les recherches archéologiques existent depuis longtemps et se maintiennent. Et ça, c'est important. Même si ce sont des domaines qui ont moins de débouchés économiques, il y a des pays qui ont gardé une part importante pour ces recherches-là. La France en fait réellement partie. On a encore beaucoup de terrain, beaucoup de fouilles, parce qu'il y a une vraie politique de la recherche et de la diversité des domaines de recherche. Même si on n'a pas forcément des moyens suffisants pour tout faire, on a quand même la possibilité de faire des recherches préhistoriques. Donc ça continue et on trouve des choses, et c'est vrai que on trouve des choses différentes, variées, qui compliquent, et aussi parce qu'on utilise des méthodes nouvelles qui nous apportent de nouvelles informations. La paléogénétique, en identifiant ce groupe de Denisoviens à partir de restes humains qui biologiquement ne ressemblent à rien, nous montre qu'on ne fait qu'effleurer la connaissance du passé, qu'on a trop peu d'éléments pour comprendre le puzzle, mais plus on a de pièces, plus on pourra le faire quand même. Je vous ai posé, Antoine Balzo, plusieurs questions auxquelles vous avez répondu « je ne sais pas ». Donc, quelle est la question, ça sera ma dernière question, qui vous tarabuste le plus? C'est-à-dire que vous voudriez en avoir la réponse de votre vivant, si j'ose dire. Je ne sais pas s'il y a une question à laquelle je voudrais avoir une... Dans les faits, quand je fais de la recherche, j'essaye de viser des questions qui sont réalistes, pour lesquelles je peux apporter quelque chose avec les moyens dont je dispose. Il faut limiter ses ambitions pour avoir des réponses. Il faut rester dans un cadre où on peut atteindre quelque chose. C'est vrai que dans mon domaine, on a tendance à interpréter loin et parfois aller au-delà et raconter des histoires. C'est très chouette, hein, j'adore raconter des histoires, j'écris bien des bouquins. Néanmoins, on sort de la science, ce sont des suppositions. C'est très bien, c'est chouette, mais c'est plus mon travail de chercheur. En tant que chercheur, j'aime bien rester sur du solide. Je vous avoue que ce qui m'intéresse là, en effet, ça va être d'arriver à clarifier cette question de que sont ces fossiles asiatiques particuliers. Il y a un autre crâne africain aussi qui est un peu étrange. Arriver à travailler avec tout le monde et arriver à mieux comprendre l'anatomie de ces fossiles un peu bizarres, ce sera une belle contribution si j'arrive à le faire dans les années qui viennent. Merci Antoine Balzo, c'était passionnant. Merci. Je recommande la lecture de votre livre « Dans la tête de nos ancêtres » qui vient de paraître chez Belin. On ne l'a pas dit, mais c'est un livre qui a été illustré par Tiphaine Deret. Oui, richement illustré. On a eu la chance d'avoir une illustratrice scientifique qui a fait une centaine d'illustrations qui expliquent toute l'histoire qu'on a pu mener dans ce projet. Merci à vous. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Noé Chaban et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. France Culture. France Culture. Des histoires merveilleuses. D'hier et d'aujourd'hui. Pour grands et petits. Une collection France Culture. Chaque vacances, France Culture vous propose un texte du patrimoine littéraire à podcaster en famille. L'île mystérieuse. En voiture ou au coin du feu. Gulliver. Accompagner une sieste dans le hamac. Moby Dick. Ou à l'heure du coucher. Des histoires merveilleuses. D'hier et d'aujourd'hui. Pour grands et petits. À écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Les hommes politiques ne croient à rien, ne croient jamais. Je crois que c'est une erreur. J'ai répété, je crois. Les hommes politiques, j'en ai connu beaucoup, sont beaucoup plus sincères que ne pense le public. Mathieu Garrigou-Lagrange. Que signifie de changer de camp, de tourner casaque, de retourner sa veste? S'agit-il de trahison ou au contraire de devenir qui nous sommes? À travers plusieurs histoires de volte-face, nous revenons en archives sur des trajectoires d'hommes et de femmes qui sont passés à l'ennemi. Salle des archives, chaque dimanche à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture? Tout de suite, les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. Yann Parentoen, sculpteur de son, un programme d'archives proposé par Alban Penaranda.